dans le 4ème. Les ASX, les TN, les jaloux en la haine. Et faire le choix, c'est rentrer. Why? La passe est centrée. Why? Viens, on arrache tout tes standis. J'appelle mes bandits. Why? Putain, y'a que des traites, j'te jure sur ma mère. J'sais pas la défaite, j'm'as vu sur la mer. Y'a des sous du buzz, mais gros, c'est la merde. Gros, c'est la merde. Quand tu serres pas la main, on est 200. Tu payes pas demain, t'as serré le sang. Vu qu'on a goûté l'or, rafale tout dès lors. On se connaît, hop, allez, ravale, tout est mort. Tu critiques rien sur du sur Facebook, Instagram. Ben, longue vie et nique ta grams. J'fais des sous et j'reste dans le bas de gamme. J'te braque à l'anglaise, des zones Instagram. Il est chaud à skip, je connais pas ce type. Jamais vu dans les embrouilles, dans les casse-pipes. T'as des news, faut que tu passes payer. Ou c'est le boom, c'est le casse-bélier. Wesh, l'équipe, dites bonjour aux winners. Big up la rue sur l'Afrique à Twin. Y'a ta petite sœur à la brigade des mœurs. T'es sûr, écoute, ça dit allô à lui. On veut s'enjailler, on veut s'enjailler. Pas le temps de bailler, pas le temps de bailler. On va tout mitrailler, tout mitrailler. On va tout grailler, on va tout grailler. On veut s'enjailler, on veut s'enjailler. Pas le temps de bailler, pas le temps de bailler. On va tout mitrailler, on va tout mitrailler. On va tout grailler, on va tout grailler. On veut s'enjailler, on veut s'enjailler. Pas le temps de bailler, pas le temps de bailler. On va tout mitrailler, on va tout mitrailler. On va tout grailler, on va tout grailler. Tu vas recaler le vent, on est calibré devant. Tu vas recaler le vent, on est calibré devant. Fuck. Eh ouais, l'époque est glock. Tête grillée, cassos, j'rappe pour les mecs dans l'block. Lâche pas mon fuck, je gérais l'embrouille. Me quitte pas ma chérie, je faisais l'andouille. J'suis avec Sifax, y'a pas tapé sans douille. Libérer la Honda, ça va partir en couille. J'fais un pas en arrière, j'prends mes distances. Pendant que ici, j'crois que l'ennemi dise tout. Fuck la politia, car encore au mierda. Fils de, y'a plus d'à bientôt dans le bando. Faire la guerre, prendre la ville, faire le mix, faire le deal. Prends la pix en Asie, GSX, R1000. Tous ensemble, les DZ, les corps folés. Mettre au sang, faut ressortir le cross volé. Ouais, gros, tu sais. J'ai un empire, faut que tu fasses ça. Je n'ai pas su c'est, toi-même tu sais, mental yakuza. Ouais, hein? J'ai des pensées sombres, le temps reste 10. Tout qui parle, je la mange, je le sors et je le tartine. Je suis expatrié, russe, j'ai un esprit. Tous les affranchis sont d'or et de platine. J'ai pas mal volvic, je fais pas ça pour le fric. Quand t'as le cul entre deux chaises, ben nique t'as l'air unique. J'ai compris ton manège, t'allume dans la grande roue. 93 sans âme dans les flammes, ils réclament tous des cases dédicaces. T'es voilà qui rendent fou. Tu vas rentrer dans le cercle, tu vas tomber dans le trou. Ferme, ça fait pas, pas, pas. Écoute ça. Problème, souci, laissez-moi loin de tout ça. On veut s'enjailler, on veut s'enjailler. Pas le temps de bailler, pas le temps de bailler. On va tout mitrailler, tout mitrailler. On va tout grailler, on va tout grailler. On veut s'enjailler, on veut s'enjailler. Pas le temps de bailler, pas le temps de bailler. On va tout mitrailler, tout mitrailler. On va tout grailler, on va tout grailler. On veut s'enjailler, on veut s'enjailler. Pas le temps de bailler, pas le temps de bailler. On va tout mitrailler, tout mitrailler. On va tout grailler, on va tout grailler. Sauce, j'rappe pour les mecs dans le bloc. Fuck.